travail le méritait amplement, mais en fait on m'a dit que j'étais pas nominé. C'est normal, j'adhère pas au business de la télé qui se ressemble, s'assemble. Les contraires s'attirent, c'est comme si Noël en décembre devenait une satire. Toi, tu t'en fous pas mal, tu lis ton horoscope, tu prends tout ce qui te sourit, tu dis c'était bien à l'époque, puis tu montes dans ta Ferrari pour réparer la climatisation de ton frigo. L'ancienne époque, c'est plus très grave, au moins tu peux faire la grève. Dans des t-shirts Che Guevara, des briquets Che Guevara. Un jour y en a même un qui me demandait, mais il est pas en tournée, le Che qui se ressemble, s'assemble. Les contraires s'attirent, c'est comme si Noël en décembre devenait une satire. Toi, tu t'en fous pas mal, tu lis ton horoscope, tu prends tout ce qui te sourit, tu dis c'était bien à l'époque, puis tu montes dans ta Ferrari pour réparer la climatisation de ton frigo. L'ancienne époque, c'est plus très grave, au moins tu peux faire la grève. De ton frigo, l'ancienne époque, c'est plus très grave, au moins tu peux faire la grève.